le péché mortel, pire que la lèpre. Saint Louis m'appela une fois et me dit, « Je n'ose aborder avec vous, tant votre esprit est subtil, sujet qui touche à Dieu. Et si j'ai mandé ces deux frères ici présents, c'est que je veux vous poser une question. » Voici quelle fut la question. « Sénéchal, dit-il, qu'est-ce que Dieu ?» Et je lui dis, « Sire, c'est si bonne chose que rien de meilleur ne peut exister. »« Vraiment, dit-il, c'est bien répondu, car cette réponse que vous avez faite est écrite dans ce livre que je tiens à la main. » Maintenant, je vous demande, dit-il, ce que vous aimeriez mieux, être lépreux ou avoir fait un péché mortel. Et moi, qui jamais ne lui mentis, je lui répondis que j'aimerais mieux en avoir fait 30 que d'être lépreux. Et quand les frères furent partis, il m'appela tout seul, me fit asseoir à ses pieds et me dit « Comment m'avez-vous dit cela hier ?» Et je lui répondis que je le disais encore. Alors il me dit « Vous avez parlé avec la légèreté d'un étourdi, car il n'est pas de lèpre aussi horrible que d'être en état de péché mortel, parce que l'âme en état de péché mortel est semblable au diable. C'est pourquoi il ne peut y avoir lèpre aussi horrible. Et il est hors de doute que, quand l'homme meurt, il est guéri de la lèpre du corps. Mais quand l'homme qui a fait le péché mortel meurt, il ne sait, comment en être certain, s'il a eu telle repentance que Dieu lui ait pardonné. Aussi doit-il avoir grand peur que cette lèpre-là ne lui dure aussi longtemps que Dieu sera en paradis. Je vous prie donc, dit-il, de toutes mes forces, de disposer ainsi votre cœur, pour l'amour de Dieu et de moi, que vous aimiez mieux voir n'importe quelle disgrâce frapper votre corps, lèpre ou toute autre maladie, plutôt que de laisser le péché mortel pénétrer en votre âme. » Il me demanda si je lavais les pieds aux pauvres le jour du jeudi saint. « Sire, dis-je, eh, malheur, les pieds de ces vilains, jamais je ne les laverai. » « Vraiment, dit-il, c'est mal répondu, car vous ne devez point dédaigner ce que Dieu fit pour notre enseignement. Je vous prie donc, pour l'amour de Dieu d'abord, ensuite pour l'amour de moi, de prendre l'habitude de les laver. »